6 ans déjà, les bras en croix, le visage dans la poussière. 8 ans je crois, le regard froid, cartouchière en bandoulière. 12 ans déjà, les cuisses ouvertes, serre les dents pour l'excision. 15 ans je crois, les fesses offertes au vieux blanc pour son pognon. 15 ans, je fais quoi, moi? Avec tout ça.